sais que Dieu s'est fait chair dans les derniers jours. Il marche dans les églises, parle, fait son travail. Exprime en silence la vérité, humble et caché. Il endure de grandes humiliations. Ô Dieu, tu deviens cher. Souffre tant pour le salut de l'homme. Pourquoi l'homme te renie-t-il toujours? Pourquoi le monde te rejette-t-il? De nous, nous vivions dans le péché, la douleur et rien dans le noir. Ce fut Dieu qui nous vit, ce fut Dieu qui nous éleva. Profondément corrompus par Satan, nous étions souillés comme c'était hors du. Se battent entre eux. La terre est dans la misère. La parole de Dieu est vraie lumière. Le monde obscur, elle éclaire. Nous avons vu la lumière de la vie humaine. L'espoir de l'humanité. Ses épreuves, jugements et châtiments de sa parole nous font vivre comme des hommes.